sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. C'est Anne et Henri sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission Trihand Troise et Katri Hugen. Voilà, 376. Alors, quel mot on voit? Alors, aujourd'hui, on va continuer un peu sur nos histoires de si. On avait parlé du harpon de la dernière fois. Harpon, hein, qui est la si qu'on appelle passe-partout. Et alors, on va continuer un peu sur cette histoire de si. Alors, ce mot-là, hesken, hein, c'est un mot qui a une consonance un peu celtique, si on peut dire. Et effectivement, ça vient d'un vieux mot celtique. Et d'ailleurs, le fait que ça commence par un H inspiré comme ça, alors qu'en français c'est le mot si qui commence par un S, c'est pas un hasard, puisqu'en fait on a souvent des mots en français qui commencent par S, qui commencent par ce H là en breton. Hein, il y a par exemple la sente, on dit hent en breton, le soleil, c'est un S en français et un H en breton, yol, hein. Le sel aussi, holen et sel, hein, voilà. Donc ça, c'est pour des raisons linguistiques que je ne vais pas développer ici. Le soul. Le soul qui donne halek, voilà. Et on pourrait en trouver plein comme ça. Sec aussi, hein, qui donne hisk, hein. Un des mots qui veut dire sec, hein, qui ressemble d'ailleurs à hisken, hein, et qui veut dire, il y a plusieurs, il y a sec, de hisk, hein, par exemple, une bête qui est tarie. Et puis, il y a aussi le carex, hein, qui s'appelle hisk en breton. Et d'ailleurs, le mot hisk dans carex est certainement apparenté à si aussi, parce que ce sont des feuilles qui coupent. Hein. Mm-hmm. Il y a comme des dents dessus, hein, donc de silice. Hein. Donc, c'est sans doute un mot apparenté, quoi. En français, donc, le mot vient du latin sécaré, qui veut dire couper, scier, hein. Et donc, qui a donné la scie. Alors, évidemment, il y a d'innombrables formes de scie, hein. Selon les métiers, par exemple, il y a des scies pour couper le fer, hein. Neskenhuarn, hein. Et puis des scies pour couper le bois. Et puis maintenant, il y a des scies mécaniques, hein, les tronçonneuses, hein, qui sont une forme de scie aussi. Mais il y a toujours cette idée d'un mouvement avec quelque chose qui a des dents, les fameuses dents de scie. Hein, comme on dit d'ailleurs, on emploie souvent l'expression en dents de scie pour parler de ça. Donc des scies qui accrochent une matière et qui permettent de trancher, quoi. Donc esken, c'est la scie en général, quoi. Esken, c'est la scie en général, hein. Voilà. Et c'est un mot féminin en breton, quoi. Donc voilà, une scie. Alors il y a toutes sortes, comme je le disais, il y a toutes sortes de scies. Ça me fait penser, quand j'étais gamin, j'habitais dans la banlieue parisienne et je prenais le métro à la station Garibaldi tous les matins quand j'allais au lycée. Et il y avait un potiès là qui jouait de la scie musicale. C'est pas courant, ça. Ah, oui, ça c'est pas courant et c'est assez extraordinaire. Hein. C'est comme une scie égoïne, hein, et on passe un espèce d'archet là-dessus et ça fait le. Ça grince. Ça... Oh non, mais c'est assez étonnant, hein, comme instrument de musique. Hein. C'est. Voilà, donc la scie musicale, hein, je sais pas, on voit pas ça dans les fest-noz encore, hein, mais on pourrait... Tu pourrais peut-être t'y mettre, Henri. Oh, c'est compliqué, ça a l'air quand même assez compliqué. C'est le principe du violon, hein, c'est une vibration de la lame, mais c'est quand même, ça va, a l'air assez... Lui jouait avec une grande aisance, hein, le pauvre R en question, bon, il était peut-être habillé en pauvre R pour mieux attirer la charité, hein, je ne sais pas, parce que... Il avait peut-être finalement un chiffre d'affaires assez intéressant. Voilà. Alors, on va avoir hisken. Alors, effectivement, hein, toutes sortes de si. Hein, donc, justement, l'autre jour, dans le journal IA, là, le numéro 401, il y avait un article sur la si aussi, et sur un verbe qui, en gallo, veut dire couper, qui est zinguer, hein, ou zaguer. Zaguer, puisque c'est une onomatopée, en fait, quoi. Voilà, c'était un article de Régis Auffray. Il n'y a pas eu de concertation entre nous, mais on est en train de traiter les si en même temps. Voilà. Donc, quand on dit qu'on a dézingué des noisetiers, ça vient du gallo? Oui, oui, c'est ça, oui, certainement que ça vient du gallo, quoi. Hein. Zinguer, zaguer, hein, bon, voilà, ce bruit de la si, quoi. Hein. Alors, bon, on a des dérivés, hein, parce que, par exemple, heskenat, c'est scier, hein, le verbe scier. Heskenadur, c'est l'action de scier, ce qu'on appelle le sillage en breton. Un eskena, c'est le, ou eskenur, c'est le scieur. Il y a une, en vantai, on dit échelour, hein, parce que le SK devient un che, hein. Et donc on dit échelour. Il y a une chanson, il y avait une complainte là sur cet air-là, un très bel air, hein. C'était Tawa le cavant le diamant long l'air, Tawa le cavant le diamant, Tawa le cavant le diamant, Nini garant manqué dans man. Donc c'est échelour yowang, hein, le jeune scieur, quoi. Voilà. Alors il y a brenhisken aussi, hein, la sciure. Hein, c'est la, donc la le son qui est produit, le son au sens le son du blé, quoi, mm-hmm, qui est produit par la scie, quoi, brenhisken, hein. Voilà. D'autres alors j'ai déjà parlé du carex, hein, qui est effectivement une sorte de scie végétale, hein. Et alors il y a des mots qui ont été forgés par exemple Neskenera, c'est une scierie, hein, une scierie. On pourrait dire Stahlhisken aussi, parce que, hein, Neskenera, c'est donc la scierie, hein, des mots un peu plus longs. Alors c'est la scie est un des instruments, bien sûr symbole, hein, c'était le symbole de l'ouvrier du bois, hein, donc. Et on trouve ça, par exemple, il y avait un apôtre qui est Simon le Zélote, qui est un apôtre assez mal connu, mais enfin qui fait partie des 12 apôtres, qui est représenté avec une scie parce qu'il avait été martyrisé, comme beaucoup d'apôtres. Il avait été martyrisé. En fait, il avait été coupé en deux à l'aide d'une scie, quoi. Alors donc, son symbole, c'est la scie, mais il y a certainement autre chose derrière, c'est-à-dire l'idée de, un peu comme la faucille et le marteau, quoi, qui sont des symboles, pas du même genre, mais c'est toujours des symboles qui représentent des métiers, quoi. Et donc la scie représente l'ouvrier du bois par excellence. D'ailleurs, ces ouvriers, autrefois, se déplaçaient avec leur scie, hein. Je me souviens avoir entendu parler de scieurs d'ici, justement, qui se déplaçaient avec leur scie, bien emmitouflé dans un linge, hein. Voilà, pour ne pas se blesser, quoi. Voilà. Donc Simon le Zélote, hein, l'apôtre à la scie. Alors si un jour tu vois dans un porche d'église où il y a les 12 apôtres, celui-là est facile à reconnaître avec sa scie, quoi. Et bon, on va s'arrêter là-dessus, sur cette parole biblique. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhonek t'en m'attend. On passe à présent Nectar Matam, visite du boulodrome de Plara Radio, Chanik, et ouais, c'est André qui lui sert de guide, c'est voilà. Ça, André? Oui, c'est André Gag, le président des boulistes de Ploudérien et de Zantôle, réunis. Oui, parce qu'il y a un rassemblement, voilà. La RPI. Voilà. De boule. Alors, elle avait parlé de... Il avait parlé anglais de l'école des boules. Donc, on reprend. Oui. Chanik, scolar boulou. Ya, disque d'arrêt yawang de huari boulou. Et velve disque trowel. Ager mesko, lazo. Ya, mire rasé. Diouvé germis, d'or mer arda berdé. A vejou. Ah non, a vejou namzer avec grédivé de zaden de beurre. A gwecha gwechel. Vegré divé ur stage, e pardon dé, evit diski pose, pose war reun, pedre ur blancon, ten o war roul, pe war poc, un tombe psorn, a plija dur veille, met deux d'or vechpenec de veld. Ya, André, donnerine. Eh ben voilà, ça donne envie d'aller faire un petit tour, hein. Ouais. Scolar boulou, donc, c'est ça qu'elle demande, Chandique, pour avoir des explications. Ouais. Donc, l'école des boules. L'école des boules? Ouais. Ya, diski, a regawang, da roari bolao, vite ve desket trawel. Voilà. Et vel ve desket trawel. Ouais, ouais. Alors, diski a regawang da roari bolao, hein. Donc, alors là, c'est apprendre, si on traduisait littéralement, c'est apprendre les jeunes, c'est-à-dire éduquer les jeunes, hein, en fait. Voilà. Hein. Diski da regawang, deskin, c'est apprendre, hein. Aussi enseigner dans les deux sens, hein. Il y a un autre mot pour enseigner qui est kellen, mais là, on peut utiliser deskin. Hein. Deskin reyowan de roi boulou. Alors roari, on l'a déjà dit. Hein, souvent, on mange un peu le r de roi boulou. Hein. Voilà. Deskin reyowan de roi boulou. Hein. Donc apprendre aux jeunes à jouer aux boules. Evel m'avait dit que Evel avait dit que trawel. Comme on apprend d'autres choses. Hein. C'est-à-dire par un enseignement en fait. Hein. Alors que autrefois, bien sûr, on apprenait sur le tas en jouant, quoi. Agar mesko, lazo? Ah, et il y a un maître d'école, il y a un professeur, hein. Il y a un miarazé. Oui, c'est moi, hein. Je fais cela. Diouvé jarmis, dar mer ar dabde. Voilà. Alors, deux fois par mois, diouvé jarmis, deux fois par mois, de mer ar dabde, le mercredi après-midi. A vechenamzer, vegrelivé de zadon, de beurre. Et de temps en temps, vegenamzer, hein, vegenamzer, de temps en temps, on fait aussi, hein, forme d'habitude, vegrelivé de zadon de beurre et le samedi matin. A gwecha gwecha, vegrelivé, ur stage, padande, vite diski, pose, oui. Pojoarun, pe dreer blanken, a teno. Voilà. Alors, une autre façon de dire de temps en temps, hein, qu'on entend assez souvent, gwecha gwechel. Hein, dans le pays gallo, ils disent une fois le temps. Hein, voilà, une fois le temps. Gwecha gwechel. De temps en temps, vegré divers stages, on fait aussi un stage, hein, pour une journée, pardon day, sur une journée. Evit diskin. Alors là, il explique un peu ce qu'on apprend. Hein, pose, c'est-à-dire poser. Hein, poser sa boule, c'est-à-dire s'approcher le plus près possible du mest. Hein, mestpian ou le pino aussi, hein, ici on dit pino, hein, le maître, hein, ou le cochonnet en français, hein, nous on dit pino, hein. Voilà, diskin pose, warren, alors tout droit, pedreer blancon, ou par la bande. Ou par la bande, par la planche, hein, hein. Ça c'est tout un art, hein. Alors teno, hein, alors c'est tenant, et nous on dit teno ici, hein, souvent les infinitifs de verbes on les finit en o ici. Teno war roule, donc à roule, hein. Ça veut dire quoi, teno? Alors, tirer. Tirer. Tirer, ah, hein, ouais, quand ouais, on tire ouais. La boule, hein. Pewarbok. Pewarbok, hein. C'est-à-dire à poc, hein. Ah ouais. Alors, il y a demi-poc aussi, hein. Aïe. Zaigwengamb, hein. On dit ça aussi, le saut de Guingamp, quoi. C'est-à-dire, on tombe un mètre ou deux avant, et on laisse rouler, quoi. Ça, c'est tout un art aussi, ah hein. Ouais. Enfin, on tombe bepsert, quoi. Pligea durvet. On tombe bepsert. À Pligea d'Urvais, et il y a du plaisir. Mais deux d'Urvais Benac d'Avel. Mais venez une fois quelconque pour voir, une fois ou l'autre, hein, mm-hmm. Pour voir, de Velet. De Velet. Il y a André, Donnerine, répond Chandon. Oui, elle répond toujours ça. Ah, je sais pas si elle ira partout, mais. Il faut pas déplaire aux gens. Un jour, peut-être, elle ira. Voilà. Ouais. Allez, on passe à Petra Zonevervro. deuxième partie d'émission. Petra Zonever Vro Eri. Ah, Calzedrau et Veljus de Zonever Vro, Wervejdi ou Zand Krogum de Tientan Velcustum, Gandela Bourdour, Agevu et War Armes. Quasi tremene des Brémans, Miss Wehre, à Mont de Rome, Warzu et Neve Amser. Hag déjà avec Gweled Blenew, Baliors ou Orvro, Blenew Abre, des vel juste. Hag Hired Rende, Hired ND, à bon, Zézo Plijus, hag un Amser zo dei Zeror à zo bras, hag setu, bon, prestige vo di zo, di hande gant chasse, gant mare chasse, à vos points de besketerien, Monteval et Hed à Hed gant Orgoage ou Orvro. Hag ma trezen vo pesket blan me war anget. Setu bon aion ba namzer ba fin gwan kalet benefin. Ma trezen vo tambos korn oaz, me ne beloar. Apre si vo gwelet adari en traktorio o labour ad ba vro an me oa ba parkeia. Hag bon setu aze ur bla o hat krogi war dach ne labour douar. Bah, mis tiendver, moi, comme moi d'art à Végel, de ce vota dégou vide comme chou et l'arbre douar, ag tramène des vota dégou, ze, ag bénéfine de ce que bête, calze suspense, velvelard de galag modé, puis dur, m'en aide, mou, de roise, gand fédération, ag borz, ou aide, gand honf, bénéfine. Bon, c'est tu tramène des, vota dégou. Pewanyo, un bon man, vicomte de Zondrael, de Lyon, me grande la Bordeaux, Pewanyo, un vigé quand, de Warrenton Polka, oh, grève verroise, hein, Warrenton Polka, oh, ni je n'ai que d'onazen, onazen n'ai que d'ojo, ah, y'a, Bob Sartre, vigé là, qu'au l'air, mais de Guir et Brumon, grand, un progrès, velvela, Brumon, zo moyen d'or, oh, ni je n'ai que d'ojo. Plus dur, quoi, la rede, zobid, arrête, zobid, calzereuse, ganzé. Plus dur, vigéguet, qui dit, j'en gand, tiesek de bro, roumanie. Ag, bon, me fait moyenne, bon, plus dur, bénéfine, pv mal, de hit, avec la qu'est, pé, parole, na, tom, ketchup, à mot, avec moyenne de hout, pé, salon, v être bars. J'y ou à Jean, j'ai le rendre de ce que de l'onde d'elle barse, mais moyen de faire vide. Si vous guardez, on fait je peux que ma treizaine. Me sera bon, farce à le rendre grand, mais n'est qu'une drap farce jusqu'à bon, une dute zo elle sève l'onde de Bavro, en me sbire, on est aux embuées, à Véguel de Pessamode, Vécasse qui dort trop beau Europa, BH de très orbite, à Bénéfine, avec guar pétevé ba plat d'un dut quoi un bénéfine bon disement mon compte à quel le meus was andrael was roman mustachen prestige vos tudes de pesque de vezave de zivi et qui de long de was un zéro b divenet mais de ce musclade prestige vos had radoberzé on drague zo une de nature bénéfine. Bon, mais gwellerait de pouvait errant de raster là d'avec guette de burp sur trop in de nature à gouscou de vécomes de derma de ce dior en pardus mais bon n'est que sûr me mestra avoir un trop un tumote jugement puis on comme de straudis Paul Gevridig produit en Bretagne zo bécrou de Hugen Lasso ouais jugement mon noir zu produit de Great Toast or de Zendut, hag gant Virginie Beguerz de justement de Tudevro de Dianton, hag pas rebel, a pas or trop beau Europa, velvequel un trop. A de Huls et Hugen Lasso, justement de Vigelard, de Rome, et d'Alke Brand or Trojis, plus dur, vraiment, ne ce que mes dormars à l'oie B, n'a tout qu'un trop, ve casse belle. Hag oa ket eus e hiz ma peusoan d'abord ur gevredig eus vel produit en Bretagne. Hag eus koude bremañ, hag de houlse oa daouz eus stal, a bremañ zo tri han stal, hag bon zezo an drava d'un vid l'ar de splerta un trouv e kinigen un dud de brenañ. Bon, setu vid chom me don tam war war mames taschen ne larin ke kal ze dra de ze politiker a ze ur vejman pu dur bon neus ket de chouloir e entro bon on tambreus o bet gant gant un eur de vitoun en dud aze met bremañ e tramenet a chom jonge al ran chom bo choul un trou vraiment pas gwal bel putur mo fota degou ton vi ben o blanc me vide vide parouge hag vota degou vide parouge ou vela anda hag zuroar deja me gwel de blas o mon krog un trou de vir vi un tamp hag kals bon mer yu lar a mon hond o adar e dern lar a mon hond de zilis ken o har bon gwel a rin jusma peve komz de dilus ken harg wala so be de ur pap pap be bene ar hoeza gaze ne zlus ken igarg hag vi de griseien e vel jus ezo an dra e bouez pe dior presivo hat dilen do pap bel hag volar ar hoaz abe mous papam bon pe dior vis disa vel art peve peve o pap neve benefin. Bon, ham don bremañ ma peus oan war dachen ur zevenadur, peu dur war vel meus lard, war an ekonomi, ez nank de lard kal ze dra, war ze. Bon, vid chom, vid komz de zevenadur, juz mat, promet oa bet gant François Hollande, pe oa Kambali, vi je bet zinget, karta, yezou, gwasket, bon ba hart karta ze zo vid tout de riez ou bien vel velaret n'est que bien en vie de réel mais n'est que de tien inor ma personne avi j'ai bezine ze a que c'est tu bon a raso au neub de député de zo labour à loirze a que nomis que zo Paul Molac hein, zo breton on au braisan ma personne hein. Hag bon, mais Jorge Alragne, vos stères d'un trauk, peut dire, vos raids, or, vitsé, vos raids changent leur constitution, puis, les un stur, ma personne, des républiques. Hag bon, gwelet vos pésamos, vos con. Comme ces obécals de ce ober au char d'un télé, bavro, au char d'un télé, avait fait bé, d'un temps, vel, via Stella, bah, Bro Corsica, hag FR Triz, ou ar rank vid ober ze. Ma rank da gen, oez ete or ze, pudur, deja n'un biroar ober on eur zun, on abad an zul, ba li breiz ar, mi blishtin ze la, n abad an ze, me alis, deus vors peve, o match peneket, pe tam an tud oa red war an er, pe, ve nul de nabad, se tu oank da ge, in place gwalva d'oberze. Bon, guiren un tud d'oberze, hein, hag, abade nou brav ve gret gante, med, nink gwal die benefin, hein, plusieurs zo tud ust de. Bon, gwalvo pe sa mod o kon. Bon, ya, ve genam zo gontandar de ur gela oan ya, ur gela oan ya, ve im bon de bibzun, hag zo plus justré de l'aide, hag niver an per hans zo bet de un mez neus ke gwal belzo. Bramon man ya doa tramne de niver an per hans, med bon ze zo mat l'art, zo bet tenet deja per hans niver an. Hag e bra de l'aide, hag diseve on tam brezon de bebzun de chak al vidre zo petram an... Tiski brezon nol pe tram an tud a zo kap de len a de gant pli jadur gant ze. Lance oa bet eiz lasso, ur gela oan ya oa bet lance de eiz lasso, just ba mames mar e me vel hendor brezon nol. Me mi me un tam dal e me moar ne, pe jor vej o me mbe al skin ya da bade nou. Set un omp ket a eroas, ba per han. Bon, evident, vi chom mon tamm war dache ne zevenadur, on den de span wid ur bes kon ar, ne skrive do lever hag zo hanve de l'enfance pomeritaine de Victor Colliou, hag bon zuroar vo rad, neus ket bet gred met o neubet, met ma trezen vo in banne war un mod les dents d'or au aller colius au nom la zo grande grande grande hanno yo fami costa a salius au fami au de ce pan vrid bescon a c'est tu bonne ma très un nouveau corps de breno prestige hein ag un din de ce grezi justement de zo un din de ce fami costa bonne rende comme soit de zo leverel zo bescrive ne vaisseau grande poloué végenant zo mes becomes de ce poloué zo un din de ce labour cas vidor vrose au hanav de hermené er galo donc braisade mais de distingue mené ag his de zo labour advisé pas appel his ou orbel ag ne zbe de labour de ba vel classe courba linra ag zo han aven mal ag ne scrive de lever le mené pelarin mal territoire pionnier bon indel han de l'arno or guerre d'art de zo or film zo begren ne vaisseau grand Bastien Guillou, du Warben, notre Guillaume Caous, zo père son Yovank, de ze Guareg, enfin, zo vraiment ba Guareg, de ze Barouz Guareg, Guaygarg, au neubet Barouz, au trou Wardro, ag de zo Begred, or film, grand Bastien Guillou, Arnon, ag de ze film, zo bédisque d'un dude, ba Guareg, NDL, de Zul Dabde, avoir cal ze dude, puis zo Begred, tram un film divé, je peux dire, à l'un des autres. Ag un film, ce tram no ban télé, Ber Warnug, un de ze mis rouer. Ma vec et trop elle, quand vais j'au fait. Mais je mange à l'rand me mestra, ma treize, un nouveau moyen de vel nan. C'est une muscade de brau, car mes brau, un film, hein, vel tout de riz au grain, grand, grand Bastien, et vel juste, hein. Ag, bon, vos pligeadions montent de velzé. Enfin, gwelzé, ma ban télé. Bon, c'est tu un temple de spéissonné, Vébavro, avec belle végèle, là, à voir. Tiens, leur végèle, là. Tiens, leur végèle, Eric.